Chapitre 9. Dans les pierreries jusqu'à la cheville. Avançons, dit Emmanuel. Je veux vous montrer toutes nos richesses. Elles auront à vos yeux un prix qu'elles n'ont pas au nôtre. Nous faisons peu de cas de ces jouets dont vous êtes si avide. Nous cesserions même d'en produire si nous n'en avions pas besoin pour un usage que je vous révélerai tout à l'heure. Ces jets m'ont servi de prétexte à tant de folies et de crimes que l'aspect ne nous en est pas agréable. Lorsque du haut du ciel le Seigneur Père jette les yeux sur ses autels, son regard s'arrête plus volontiers sur celui que l'on apparaît de fleurs vivantes et parfumées que sur celui qui étincelle d'or et de pierreries stériles. La créature a reçu de Dieu l'amour du bien, l'amour du beau. L'esprit du mal s'est appliqué de tout temps à faire naître, dans le cœur où il aspire à dominer, des sentiments opposés. Aussi, l'homme se sent-il entraîné à vulgariser le grandiose, à railler le bien. Lorsqu'une joie lui arrive, il ne peut résister au désir de l'analyser, jusqu'à ce qu'il en ait fait un chagrin. De toutes les gemmes, le diamant est celle que l'on recherche le plus sur terre. Un mortel, nommé Louis de Berken, vient de découvrir l'art de le tailler. Cette pierre va donc devenir de plus en plus précieuse. Quelle sera la préoccupation de l'homme pendant les siècles qui vont suivre? Jouira-t-il simplement de ce jouet que le Seigneur lui donne? Non, il va user sa vie à prouver que le diamant n'est qu'un charbon déguisé, et il ne sera satisfait que lorsqu'il aura brûlé un morceau de cette pierre pour laquelle des millions de ses semblables tueront et se feront tuer. Si l'homme poursuit sa folie, je répandrai en si grande quantité sur la surface du sol ces pierres qu'il aime et qui le perdent, qu'il ne tardera pas à les repousser du pied. De chaque entaille faite à la terre, elles rouleront à profusion, elles ébrécheront le soc de la charrue, chaque vague en roulera des milliers sur les plages. » En prononçant ces paroles, Emmanuel s'était peu à peu transformé. Sa taille n'était plus la même. Sa voix tonnait, son regard si doux jusque-là lançait de tels éclairs que l'artiste dut baisser les yeux. Mais l'impression de cette indignation fut passagère. Et lorsque Hansel Eck releva la tête, il revit à ses côtés le doux enfant des heures précédentes. La nature du sol avait changé. Les voyageurs marchaient sur de larges dalles de turquoise. Les murs de la galerie aux couleurs variées étaient d'agate. La chalcédoine de Bithynie, d'une transparence nébuleuse, tantôt blonde, tantôt bleuâtre, alternait avec la cornaline rouge sang, l'héliotrope verdâtre avec l'onyx rubané et à couche. La sardoine orangée parlait de Scipion qui, le premier, la fit connaître à Rome, du tyran Polycrate qui ne trouva rien de plus précieux dont il put faire le sacrifice et la jeta enchâssée d'or dans les flots de la mer Égée. Le silex rappelait les premières armes des Gaulois, le jaspe bariolé, les agates arborisées et moussues, emprisonnant dans la pierre des feuillages antédiluviens la chrysophrase vert tendre pailletée d'or. Tous les membres, enfin, de la nombreuse famille des quartz compacts étaient représentés dans ce capharnaüm minéralogique.